Chapitre 10 Chez les Chopin. Eh, dis donc, la patronne, quelle heure qu'il est! La mère Chopin, qui achevait de récurer une casserole, surgit du fond d'une étroite cuisine et les deux poings sur les hanches. 11 heures, répondit-elle aigrement. On va-t-y se coucher à la fin des fins, toute la marmaille tombe de sommeil! Chopin se mit à rigoler, la bouche édentée fendue jusqu'aux oreilles, et sa trogne rougie de bon pochard s'illumina. Puis il s'affala, et tout à son idée fixe d'ivrogne, il se mit à compter les bouteilles vides placées en bataille sur son établi de bijoutier. « 11 heures » bégaya-t-il d'une voix avinée. « Mais alors, 2, 3, 4, 6, 9, il me manque 2 litrons, c'est bien simple. » Et il me les faut, nom de Dieu, à nous! Plus souvent, pochard! Riposta la mère Chopin furibarde. Il y a juste 2 litres à la maison, tu ne vas pas encore les soiffer? Alors? Tu veux me faire crever de soif? Et quand je te dis que j'ai pas mon compte, il est 11 heures, ça fait 11 litres, je sors pas de là. Du jus de Valasse, oui, mais quant au vin des Nèfles? De la Lavasse? À moi? Fit Chopin agitant des bras indignés. « Tu m'as pas regardé? Ce serait la première fois. Tu veux donc mon déshonneur? Mais dis-le que tu veux mon déshonneur et ma crevaison. De l'eau, jamais. Moi, c'est du vin. Tais-toi sous l'eau, t'es bu. Moi? Si on peut dire ça? Ça, par exemple, c'est rien farce. » Et cette idée, qu'on pouvait le croire ivre, lui parut si drôle, si extravagante, qu'il se tordit, tanguant du buste sur son tabouret, s'envoyant des tapes sur les cuisses levées, assénant des coups de poing sur l'établi. Voyant cela, Bibi Chopin, l'un des fils, n'y put tenir. « Satané gibet » s'écria-t-il, « ce qu'il est rigolo, il n'y a que lui !» Alors toute la marmaille s'en mêla. Il y eut des glapissements et des trépignements sans savoir, jusqu'au tout petit, sevré du matin même, qui roula sur le carreau, les fesses en l'air, en voulant imiter son papa. Ce fut un tonnerre de joie à faire trembler les vitres. « Encore les Chopin qui sont peu une bosse !» disaient les voisins. Il en était ainsi tous les jours. Gibet n'engendrait pas la mélancolie. Au contraire, dès le saut du lit, la rigolade commençait avec le premier verre de vin qui faisait la chaîne avec le dernier de la veille. Ça montait, ça montait. Il dégageait autour de lui une énorme gaieté, pas méchante pour deux sous, la bouche pleine de chansons, pas fainéant non plus au turbin, désolé seulement quand il avait lampé la goutte finale. La famille vivait dans une continuelle trépidation, dans une atmosphère d'ivrognerie et de jubilation heureuse. Tout à coup, Gibet devint grave et solennel. Il prit ses enfants à témoin. « Voyons, vous autres, est-ce que je suis bu? La main sur la conscience? Non, n'est-ce pas? Tu me fais de la peine, ma femme. Moi qui t'ai apporté un bouquet de si bon cœur ce matin, larmoya-t-il. C'est bon, tu vas les avoir, tes 2 kilos, fit la mère Chopin énervée et un peu attendrie par la vue des fleurs qui trempaient dans un goulot de bouteille. Sacré soifard, va. Vive la patronne! Clama Gibet. Tout le monde en aura, oui, tous! Toi aussi, tout petit! Pauvre lapin! Dire qu'on t'a fait sucer du lolo jusqu'au jour d'aujourd'hui! Et que t'as 2 berges! Vois-tu, c'est du bon pif qu'il faut enquiller! Apporte des verres, la mère! Combien? Attends un peu voir! Il essayait de compter les enfants, s'embrouillait, n'en sortait plus. Zut! Finit-il par dire. Et v'là la chier de gosse! D'où que ça me vient, bon sang? D'où que ça me vient, bon sang de bon sang? À ce moment, comme la mère Chopin apparaissait avec ses 2 litres, la porte du palier s'ouvrit et Ragdal entra. Gibet se retourna, aperçut le poupon que le nouveau venu tenait dans ses bras, et les mains au ciel, dans un cri de réjouissance ébaudi. « Oh, chouette alors! Encore un gosse! Salut! Bonsoir la compagnie! Fit tranquillement Ragdal. Vous voyez, je vous amène de la société. 2 verres de plus, tonna Jean-Baptiste en pouffant de rire. Ça fera le compte, ma payse. Mais sa femme, Fifine Chopin, s'était arrêtée net, braquant des yeux mauvais sur la petite rose aimée qui dormait dans la sereine confiance de son être à peine éclos. Une ombre de jalousie passa sur son visage. Son regard alla de son dernier nez, le fruit de ses amours avec Ragdal, disaient les bonnes langues, à la mignonne créature, l'intruse. Et déjà quelque chose, comme l'aube livide d'une haine, se levait dans cette âme inculte. « C'est à vous, cet enfant-là » demanda-t-elle les lèvres pincées. « Oui, à moi, hélas, Madame Chopin !» répondit Ragdal, qui en même temps clignait des yeux pour faire comprendre à sa maîtresse qu'il jouait simplement un rôle. Mais Fifine Chopin ne voulait rien entendre, sinon que son amant l'avait encore trompée. « Comme ça, maugréa-t-elle, vous trimballez vos gosses en pleine nuit. Drôle de biberon que vous faites. Attendez, je vais vous expliquer ça, » fit Ragdal. « Mais d'abord, que je pose un peu la momichonne. » Et, avisant un lit de fer dans un coin de la pièce, le lit des petites Chopin, il déposa rudement l'adorable bébé qui, par bonheur, ne s'éveilla pas sous le choc. « Ouf, dit-il, c'est gros comme 6 liards de beurre et ça finit par peser tout de même. » La mère Chopin s'était rapprochée, se penchait sur le paquet de l'ange d'où émergeait une exquise tête, gracile, radieusement nimbée des premiers frisons de mèches blondes et soyeuses. « Ah, c'est une fille » murmura-t-elle avec une indifférence affectée, et, froissant du bout des doigts la batiste de la brassière, « Mazette, beau linge, mes compliments !» Un nom délicatement brodé attira son attention. « Rose aimée !» elle nargua. « C'est joli tout plein !» Et Fifine planta dans les yeux de Ragdal un regard plein d'interrogations rageuses et menaçantes. « Tu ne vois donc pas que c'est du chiquet ?» lui glissa rapidement celui-ci. « Tout à l'heure, tu sauras tout. » Défiante, elle se tenait sur la réserve et coulait toujours sur la si délicate et si fragile fillette le louche rayon de ses prunelles aiguisées d'envie et d'instinctive aversion. Mais J.B. Chopin se fâchait et gueulait qu'on lui remplit son verre au lieu de perdre comme ça un temps précieux. « N'en v'là des questions et des giries. Ben quoi, Ragdal nous amène une môme. Je vois pas pourquoi on ne trinquerait pas à sa santé d'abord. »« Oui, mon vieux, » fit le gredin qui s'assit et prit un verre. « À la nôtre et à celle de l'enfant. »« Fameux, » déclara J.B. buvant d'un trait, « si on portait aussi la santé de la daronne maintenant. » Mais l'aventurier protesta. « Ah non, c'est pas à faire ça. » « Eh ben, à la tienne alors, t'es un ami et un frère, un zig, mais au fond, tu sais, t'es qu'un sale lâcheur, on ne voit plus. » « Justement, je vais te dire, c'est toute une histoire. Figure-toi qu'un jour, un soir, il y a de ça un an, je vois arriver chez moi, devine qui ? Ta pipelette ? Le tsar ? Un bistrot récalcitrant ? « Ma femme, mon vieux. »« Oh zut ! Ta légitime ! Merdasse ! Elle-même, hein ? C'était raide, après si longtemps qu'on était séparés. Enfin bref, elle pleurniche, je m'attendris, et nous voilà réconciliés. »« Par exemple !» se récria l'incorrigible poivreau. « Ça mérite un verre ! Une tournée d'honneur aux camarades, Fifine !» Et, tendant son verre, « Moi, c'est pour trinquer !»« C'est comme ça, » continua Ragdal. « Et nous avons vécu ensemble toute une année. Bon, il y a une huitaine, elle accouche de cette môme-là. Je pensais que ça allait resserrer pour toujours notre conjugaux. D'abord, il y avait notre fils qui va sur ses 8 ans. Avec celle-ci, c'était gentil. Un garçon, une fille. Une vraie romance, » bégaya Chopin. « Mais 2 couplets, c'est pas assez. Hardi Ragdal, repeuplons, repeuplons !» Va te faire fiche. Hier soir, je rentre à la maison, je trouve le nid vide. Ma femme était partie avec mon fils en me laissant un mot pour me dire qu'elle me confiait la petite. Pauvre vieux, un vrai coup dur, fit J.B., qui en manière de condoléance s'empressa de remplir les verres. Ah oui, c'est un fameux coup pour moi, soupira Ragdal, les yeux au plafond. Je l'aimais bien. « Comme moi, ma Fifine, parbleu !» Elle écoutait, les dents serrées, le visage fermé. Chopin vida religieusement les verres et essuya ses yeux remplis de grosses larmes d'ivresse. Cette histoire l'émouvait rudement. Mais, tout à coup, la rigolade le reprit. Il gloussa, faillit s'étrangler, le nez dans son vin. « Qu'est-ce qui te prend ?» demanda Ragdal à Uri. « Je pense à une bonne chose !» répliqua l'ivrogne. « Elle t'a laissé la gosseline, pas vrai ? Tu l'as ? Très bien, c'est qu'elle est de toi, pas d'erreur. Mais ta bourgeoise a emmené son fils. C'est qu'il est à elle et à un autre. Toi, t'y es que pour que dalle dans ce fiston. Ça, vois-tu, c'est sûr comme deux chopines font un litre. Servez. Non, mais fais voir ta tête. Oh, c'est bien possible, acquiesça Ragdal. Comment, si c'est possible? Reprit JB en se tordant. Je te défie bien de passer sous la porte Saint-Denis. Tu l'es, quoi? Bah, je ne suis pas le seul, va. Pour sûr, t'es cocu, v'là-t'y pas une affaire. Qu'est-ce qui n'est pas cocu d'abord? Y'a que moi. Et je le suis de naissance. Et, plus fort que jamais, Chopin s'esclaffa en répétant « Oui, cocu de naissance. Qu'est-ce que t'en dis, mon colon ?» En réalité, il aurait mis sa main au feu que sa femme, sa fifine, était la fidélité incarnée. Il y avait encore des illusions et un fond de naïveté dans cette cervelle embrouillée de vapeurs vineuses. « C'est pas tout ça, » reprit Ragdal gêné. « Tu penses que je ne peux pas garder la petite? Que faire? L'envoyer en nourrice ?» Ça m'embête, tu comprends. Alors, j'ai songé à toi. Et à vous, chère Madame Chopin. Je me suis dit, l'enfant sera très bien soigné par ses bons amis. Et puis, un de plus, un de moins. T'as bien fait, déclara Chopin, la main sur son cœur. On est des frères, pas vrai? Alors, si on est des frères, c'est comme si la gosse était à moi. N'est-ce pas, Fifine, qu'elle est à nous? « On verra, » fit sourdement la femme du radieux pochard. « Ta ta ta, c'est tout vu. Tu m'entends, Ragdal? Tu peux claquer ce soir, la ptiote aura une famille. Et une chouette famille, je m'en vante, nom de Dieu. Les Chopins, rien que ça de luxe. Tiens vrai, je voudrais te voir crever là pour te prouver mon amitié. C'est comme je te le dis. » « Merci, mon vieux. Je le sais, c'est à la vie et à la mort entre nous. D'ailleurs... « Je n'ai pas la prétention de t'imposer une charge. Tous les mois, je te verserai. » Ce fut une nouvelle explosion de folle joie. « Oh !» interrompit JB en se trémoussant. « Laisse-moi me gondoler. Non, c'est trop cocasse. J'en pèterai. »« Quoi donc ?» fit Ragdal de nouveau interloqué. « C'est à se rouler comme une barrique. V'là que tu vas parler de verser de quoi de raquer ?»« Mais sans doute. Toi ?» Ragdal, on t'aurait donc changé en nourrice depuis que je t'ai vue? Ou bien c'est-y que tu veux perdre ton nom? Eh bien oui, affirma le drôle, après résolu. C'est comme je te le dis, on m'a changé. Et on va en voir de vertes et de toutes les couleurs. Oui, on verra. Il se leva, laissant Chopin stupéfait à son tour. Et, pensif, il alla appuyer son front à la vitre de la fenêtre. Paris se déroulait au loin, dans la fantasmagorie de ses milliers de lumières, avec son grondement de vie intense à cette heure de la nuit où la ville immense et superbe réalise des rêves de splendeur et des cauchemars de misère. « À nous deux, Paris, » murmura-t-il. Le gueux rampant que j'étais a disparu. J'ai l'instrument de lutte maintenant. Il se retourna et, joyeusement, « Pour commencer, je paie tout ce qu'on voudra à toute la famille. » Les bistrots sont ouverts pour arroser le nouvel an. « Bateau-pomme !» s'écria JB, enthousiasmé. « En route, la marmaille! Toi aussi, reculo. Hé, reculo! Cette nuit, on ne se bâche pas. C'est encore réveillon, quoi !» L'ivrogne secoua son dernier nez, le marmot endormi par terre, entre ses jambes, le cul en l'air, glorieusement. « Tu sais que je l'appelle reculo ? » continua-t-il. « En souvenir de toi, vieux frangin !» C'est pas tant ce qu'il te ressemble. Dis pas non, c'est tout craché. Ragdal se pencha vers le bambin, le souleva, l'embrassa, le cajola, pendant que le petit poussait des cris d'écorchés. « Charmant enfant, Madame Chopin, quel gentil frimousse, hein ? Ses teignes, sa piaule, sa griffe, mais c'est si mignon, un cœur !» Fifine eut un demi-sourire, flattée de voir Ragdal embrasser le marmot tout barbouillé, leur fils en somme. Elle l'avait aimé, cet homme. Oui, une de ces passions violentes et tenaces qui s'abattent parfois sur les femmes mûres. Elle l'aimait encore, elle l'adorait. Elle souffrait de cette trahison dont la preuve était dans la présence même de la fillette apportée par lui. Elle ne croyait pas du tout à l'histoire du replâtrage matrimonial de Ragdal avec sa légitime, qu'elle avait connue du reste. Pauvre jeune femme, digne de tous les respects et de toutes les sympathies, et que le misérable avait abandonnée avec son fils. Mais elle lui supposait une autre maîtresse, qui, oh, si elle l'avait tenue dans un coin, celle-là. En attendant, c'est sur l'innocent bébé endormi qu'elle comptait se venger. Tant pis, la morveuse paierait les pots cassés. « Allons, en route !» clama J.B. Déjà, la bande tapageuse des petits Chopins dégringolait l'escalier, y compris le jeune et intéressant Roculot au bras de sa sœur Thérèse. Ragdal et son vieux camarade descendirent ensuite, bras dessus, bras dessous. « Faut aller aux trois marronniers, au côté J.B. Y a là un petit ringé de Bourgogne, un vrai bouquet, je ne te dis que ça. Et tu sais, ne dis pas de mal du pif de Bourgogne. Le Bourgogne, c'est un frère. Mon pays, quoi. » Fifine sortit la dernière. Avant de fermer la porte, elle eut un dernier regard aigu pour le poupon qui, peut-être, allait se réveiller, pleurer. « Bah, gronda-t-elle, qu'elle chiale tant qu'elle voudra. Je m'en fiche un peu après tout. » Et la mignonnette demeura seule dans la chambre pleine de ténèbres, empuantie par les fumées de vin et de la pipe. Oh oui, bien seule désormais, dans la vie de souffrance où elle allait s'enfoncer. Pauvre, pauvre Rosémée. En bas, dans la rue où des groupes endimanchés et en blouse allaient de mastroquer en beuglant pour fêter dignement l'enterrement de l'année défunte et la naissance de la nouvelle, la famille des Chopins envahissait d'autors et de rives tout le trottoir. J.B. avait lâché Ragdal. Il marchait en tête, raide comme la justice, saluant d'un bon coup de gueule les amanches du quartier et se dirigeant en droite ligne vers les Trois Marronniers, un fameux bistrot des buts de Chaumont qu'il tenait en grande estime, et pour cause. « L'œil ouvert, disait-il, credo illimité, et quelle pive !» Ragdal, galamment, avait offert son bras à Fifine. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» demanda rageusement la mère Chopin. « C'est pas vrai tout ce que t'as raconté. »« Tu penses, mignonne. »« Alors, l'enfant, et pourquoi as-tu disparu depuis si longtemps ?»« Tu m'as salement lâché, cochon. »« T'en as soupé de moi ? Avoue-le donc, grand lâche. »« T'es folle. J'ai eu des ennuis, voilà tout. J'ai dû aller en province. Quant à la môme, c'est ta fille ?»« Mais non, grande bête, je te raconterai tout. Pour le moment, je ne puis te dire qu'une chose, c'est que l'enfant est un vrai trésor pour nous, une fortune dans l'avenir. Laisse-moi faire, tu verras. » « Je comprends pas. » « Pas besoin que tu comprennes. Seulement, il faut qu'un jour ou l'autre, nous puissions nous servir de cette petite et agir sur le père, un gros Richard. Ah ah ! Tu commences à saisir ? Oh ! Je me méfie toujours de tes boniments. Me jures-tu que c'est la vérité, que tu n'es pas le père ? Je te le jure. Là, es-tu contente ? Et pour achever de persuader Fifine, Ragdal se fouilla, tâta longuement dans sa poche, froissant un billet de 1000. Mais brusquement, il le renfonça. Non, c'était trop dur à extirper. Fifine, d'ailleurs, se montrait suffisamment convaincue et lui serrait tendrement le bras. Quelques minutes plus tard, ils étaient attablés aux Trois Marronniers. « Deux chandelles et du cacheté !» commanda Chopin. Et il annonça « Pour commencer le bal !» Et les bouteilles suivirent les bouteilles, puis il y eut un punch final, d'où montait une forte odeur de 3-6 ravageurs. Ragdal embrassa Fifine en lui souhaitant bonne et heureuse et se retira sous prétexte d'une affaire urgente, tandis que Chopin le poursuivait de ses cris. « Sacré lâcheur, va! C'est ma tournée! Tu t'en vas au bon moment! Tu reviendras au moins !»« Mais oui, lança Ragdal de loin. « Demain !»